Chapitre 2e, une cabane accueillante. Il y a une cabane de jardinier un peu plus loin. Elle est fermée à clé. Mais vous saurez peut-être l'ouvrir. Paul lui répond. On a des bornes à faire et pas beaucoup de temps pour les faire. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas continuer dans cet état. Allons voir. Rapidement, nous trouvons cette mini-maison à l'angle d'un grand potager, adossée à une haie. Solidement construite en pierre, elle forme un carré de 4 ou 5 mètres de côté. Elle est couverte d'un toit de tuiles à double pente avec un petit bout de cheminée. Elle paraît bien entretenue. La fenêtre est protégée par un gros volet et la porte est solide. Une chaîne et un cadenas empêchent de l'ouvrir. Paul tire sur la chaîne et entrebâille la porte pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Mais dans l'obscurité, il ne peut rien voir. On ne va pas lui fracturer sa porte. Bien sûr que non, on n'est pas des vandales. Pourtant, on est trempé et gelé. Si on pouvait trouver de quoi faire du feu. Oui, un bon feu, une douche chaude et un peignoir tout chaud. Et après, un bon petit souper, un petit feuilleton à la télé et un bon lit douillet. On verra si on trouve ça là-dedans, mais pour l'instant, on est dehors. Je regarde la porte de plus près. Il y a sûrement un moyen. Il y a presque toujours un moyen. Il faut trouver le point faible. Surtout qu'une cabane comme celle-ci est loin d'être un coffre-fort. J'observe attentivement les deux ouvertures à la faible lueur de la lune. Et tout à coup, je trouve la solution. La porte ne peut s'ouvrir normalement car un cadenas tient la chaîne qui est passée dans un anneau scellé. Mais il doit être possible de la soulever pour la dégonder. Elle est montée sur de simples gonds de volet. Elle n'est pas encastrée dans l'ouverture, mais posée en applique contre le mur. Rien ne doit empêcher de la soulever. Nous devrions pouvoir entrer sans l'abîmer. Avec l'aide de Paul, en nous mettant chacun d'un côté et en synchronisant nos efforts, c'est assez vite fait. Une fois dégondée, la porte s'ouvre en pivotant autour de la chaîne. À l'intérieur, c'est l'obscurité presque totale. Je m'avance à tâtons. Tout de suite, je me heurte à une table qui, flanquée de ses bancs, doit meubler le centre de la pièce. Je la contourne par la gauche. Dans l'angle, je tombe sur tout un fouillis d'outils de jardin. Il y a sûrement plus d'une vingtaine de manches en tout genre qui se reposent là, contre le mur. L'angle suivant est occupé par un soubassement de maçonnerie. Sur le dessus, au toucher, il me semble reconnaître de la cendre et des morceaux de bois à moitié calcinés. Je lève la main et sens à hauteur de mes yeux une sorte de haute en tôle. C'est donc bien une cheminée. Il reste à trouver de quoi faire du feu. Je tâtonne autour du foyer. Peut-être traîne-t-il là une boîte d'allumettes. Mais non, rien. Je continue mon tour à tâtons. J'ai maintenant devant moi un meuble aux parois bien lisses, sans doute un vieux buffet de cuisine venu prendre sa retraite dans ce coin perdu. J'ouvre les portes une à une, et toujours en palpant, je fouille l'intérieur. Il y a toutes sortes de choses intéressantes pour des fugitifs aux abois comme nous. Je repère des bouteilles, des boîtes de conserve qui paraissent pleines, de la ficelle, des boîtes en fer, café et sucre, des verres et des assiettes. Et tout à coup, je sens au bout de mes doigts ce que je cherche depuis le début, une boîte d'allumettes. J'en craque une. La lumière jaillit. Je me retourne pour avoir une vue d'ensemble de l'intérieur de la cabane. Mes compagnons sont entrés en file derrière moi et occupent le tour de la table. Avant que la flamme ne me brûle les doigts, je reprends l'exploration du buffet. Je ne l'avais pas senti, mais juste en face de moi se trouve une petite boîte en fer avec des bougies de toutes sortes. J'en allume une que je pose au centre de la table. Je sens un soulagement et une grande satisfaction dans le cœur de tous mes compagnons. Ce n'est pas encore la douche chaude et le lit douillet, mais cette petite flamme, c'est déjà une promesse. C'est déjà un réconfort moral en attendant le confort chaleureux dont nous rêvons tous. Il y a tout ce qu'il faut pour faire du feu. En effet, dans le dernier recoin de la cabane, celui que je n'ai pas encore eu le temps d'explorer, est disposée une grande caisse pleine de bûches, sarments de vigne, de pommes de pin et même du papier journal. Quelques instants plus tard, une bonne flambée s'élève dans la cheminée. Nous restons tous les quatre autour, fascinés sans rien dire. J'en profite pour voir la tête de nos deux filles. Nous avons une grande brune aux cheveux courts, solidement bâtie, et une petite blonde toute mignonne qui a l'air d'une adolescente. C'est encore Paul qui réagit le premier. Refermons la porte, pas la peine que le feu se voie à 3 kilomètres. J'ajoute. Et maintenant, opération séchage. Le premier, j'enlève ma veste de treillis, mes rangers, mes chaussettes et mon pantalon trempé. Je reste en caleçon. Le rayonnement du feu sur ma peau me donne une sensation délicieuse de chaleur et de bien-être. Paul et les deux filles m'imitent et nous nous retrouvons tous en sous-vêtements. Je repère des crochets qui dépassent à l'intérieur de la hotte. Nous y accrochons au mieux toutes nos affaires trempées et pleines de boue. Puis, repoussant la table, nous installons un banc face au feu sur lequel nous nous asseyons, les deux filles au fond, les deux gars vers la porte. « Bon, maintenant faisons le point, » déclare Paul. Et s'adressant aux filles, « Ça va, vous vous réchauffez, attendez voir. » Il se relève brusquement, fait 2 pas vers la porte et décroche 2 grosses vestes de drap suspendues à une patère. Il revient et s'adresse encore à nos 2 compagnes. « Ça vous tente d'enfiler ça ?»« Je ne sais pas si elles sont bien propres, mais au moins elles s'en sèchent et elles vous tiendront chaud. » « Oui, pourquoi pas, mais vous ?»« Disons que l'aventure ne nous empêche pas d'être galants. »« Alors merci les gars, c'est sympa. » Les 2 filles enfilent les vestes, mais la plus grande, la brune, la quitte aussitôt, se tourne vers le mur, dégrave son soutien-gorge humide qu'elle accroche dans la cheminée et renfile la veste. « Je serais bien mieux comme ça. » Je demande à nos 2 compagnes, « Faut-il vous appeler lieutenant, mademoiselle, ou peut-on utiliser vos petits noms ?» Elles éclatent de rire. « Nous pourrions peut-être prendre 5 minutes pour nous présenter, » propose la grande brune aux cheveux courts. « Je m'appelle Sylvie. » Sylvie a la stature d'une joueuse de basket. Elle est grande et bien bâtie, ce qui ne l'empêche pas d'avoir les formes généreuses que les hommes apprécient chez les filles. Ses yeux noirs, son visage fin, presque toujours éclairé d'un sourire un brin espiègle, attirent la sympathie et affichent son caractère volontaire. « Moi, c'est Anne, » ajoute sa jeune compagne, qui vient se rasseoir sur le banc à côté de nous. Anne, par contraste, est plus petite, plus fine aussi. Les yeux bleus, les cheveux presque blonds attachés en arrière, elle a un visage doux et sympathique. On reconnaît en elle la bonne camarade. Un peu comme une chatte, elle paraît toujours aux aguets, prête à bondir. Il ne doit pas être facile de la surprendre. Je me présente ensuite. Moi, je m'appelle Christophe, 20 ans, 1m85, 82 kilos. J'aime le sport, l'aventure, pour ça je suis servi, la bonne bouffe, là on est nettement moins bien servi, et les filles. Pour les filles, jusque-là, ce n'était pas terrible, mais depuis 1 ou 2 heures, je n'ai plus à me plaindre. Enfin, Paul se présente à son tour, beaucoup plus succinctement. Moi, c'est Paul. Maintenant, faisons le point. Je tiens à vous dire que je me félicite de faire équipe avec vous. D'abord, personne n'a hésité à se mettre à l'eau et tout le monde a traversé au plus vite sans faire de bruit. Ce qui nous a permis d'échapper une première fois au plastron. Ensuite, merci à Sylvie pour son aide pertinente et musclée. Sans elle, nous serions peut-être encore au pied du talus, les pieds dans l'eau, à chercher comment nous sortir de là. Merci à Anne de nous avoir trouvé cette cabane accueillante et à Christophe d'avoir su l'ouvrir. Et surtout, Paul ne te remercie pas. Tu n'as rien fait pour nous, ajoute Sylvie. Sans ton intuition, nous nous serions fait piquer dans la première demi-heure. Et nous aurions déjà reculé de 5 kilomètres. « Ok, » répondit-il. « Nous allons arrêter là, la petite séance d'autocongratulation. Voyons plutôt comment nous allons nous y prendre pour franchir la Loire dans moins de 48 heures et se faire prendre par le plastron. Avez-vous des idées ?» Un grand silence lui répond. « J'avoue que personnellement, je n'ai pas eu le temps d'imaginer une quelconque stratégie concernant la suite de notre voyage. Bon, attendez 1 minute. » reprend Paul. Il se lève, se penche au-dessus de la cheminée et récupère dans la poche de son treillis une sorte de gros carton imbibé d'eau. Il pose le carton sur la table et commence à le déplier avec précaution en 2, en 4. À notre grande surprise, c'est une carte de la région. « Comment as-tu passé cette carte à la fouille ?»« Je ne l'ai pas passée à la fouille. En sortant, ils nous ont laissé quelques minutes tranquilles avant de monter dans les camions. » Et cette carte traînait sur le siège de la Jeep du commandant. J'ai pensé que j'allais en avoir plus besoin que lui. À la lumière des 2 bougies, nous observons la portion de la carte qui nous intéresse, mais nous manquons de points de repère pour nous situer précisément. Paul explique son plan. À moins que vous ayez une meilleure idée, voici la mienne. Juste avant que le camion nous lâche, j'ai vu un panneau publicitaire au bord de la route. Il annonçait un loueur de canoës à 2 kilomètres. Il est peut-être possible de se faire prêter 2 canoës et de descendre ainsi la rivière sur 10 ou 20 kilomètres. Si ces gens sont coopératifs, peut-être accepteront-ils de nous prêter aussi des maillots de bain. Nous pourrons alors faire une partie du trajet en économisant nos jambes et sans risque de nous faire repérer par le plastron qui nous prendra pour de simples touristes civils sportifs. Mais cela nous fait marcher 2 kilomètres dans le mauvais sens, avec le risque de devoir les refaire ensuite dans le bon, si ton plan ne marche pas, fais-je remarquer. C'est un risque à prendre, répond Paul, un risque à calculer. Et puis, intervient Anne à son tour, nous ne sommes plus du bon côté de la rivière. Si ton panneau était sur la rive gauche, le loueur doit être aussi installé sur la rive gauche. Mais peut-être y a-t-il un pont à cet endroit. Il n'y a pas de pont indiqué sur la carte dans les parages. Non, mais il doit y avoir des rapides sur une rivière comme celle-là, des passages avec très peu d'eau, où on peut traverser en enlevant simplement ses chaussures. J'annonce alors que je suis partant. On va miser 2 kilomètres pour tenter d'en gagner 15 ou 20. Et surtout, on va supprimer pratiquement tout risque de se faire prendre, car en canoë nous serons déguisés et pour les 2 kilomètres à pied à contresens, ils ne nous croient pas assez fous pour faire ça. Je suis partant. Il n'y a que ceux qui jouent qui gagnent. Moi aussi, je suis d'accord, annonce Sylvie. Je suis certaine que le risque finit par payer. Je marche avec Paul. Ne vous inquiétez pas, conclut Anne. Je suis avec vous. Je n'aurais pas eu le culot de faire ça toute seule, mais jouer dans la finesse et taquiner le plastron, ça me plaît bien. J'espère bien avoir d'autres occasions de taquiner le plastron, nous annonce Paul. Tâchons de dormir. Demain, nous filerons dès le lever du jour. Il faudra être au loueur de canoë dès l'ouverture. Dormir, oui. Nous n'attendons que ça, mais où? Il n'y a pas de lit, ni même de couverture dans cette cabane. C'est même la seule chose qui manque vraiment. Chacun réfléchit à la question, mais je finis par trouver la seule solution possible. Il faut nous installer en hauteur pour bénéficier de la chaleur du feu et nous allonger le plus possible si nous voulons dormir un peu. Nous poussons donc la table, le plus près possible de la cheminée, un bout contre le mur. Sylvie et Paul s'assoient dessus, côte à côte, le dos au mur, les jambes allongées. À l'autre bout, nous dressons les deux bancs calés verticalement par des outils de jardin pour nous servir de dossier. Avec Anne, nous nous asseyons sur la table en nous adossant au banc. Anne en face de Sylvie et moi en face de Paul au plus près du feu. Cela ne nous fait que peu de place à chacun, et nous ne sommes pas vraiment allongés, mais à la guerre comme à la guerre. Nous tâchons ainsi de somnoler pendant quelques heures. Les deux filles sont mieux couvertes avec leurs vestes, mais avec Paul nous n'avons que notre caleçon encore humide, et le froid nous saisit dès que le feu faiblit. Régulièrement, il nous faudra remettre du bois pour maintenir un feu vif. Heureusement, nous en avons un stock sous la main. Calée contre moi, Anne s'endort, mais plusieurs fois elle se réveille en sursaut au bout d'une ou deux minutes. Elle a visiblement peur de s'endormir et de tomber de la table. Elle se cramponne comme elle le peut, et je vois ses mains crispées sur les bords de la table. Au bout d'un quart d'heure, je ne dors toujours pas, et je me demande comment l'aider. Finalement, j'ose mettre mon bras sur ses épaules et la serrer contre moi. Curieusement, elle se laisse faire. Alors, se sentant enfin en sécurité, elle s'endort profondément. Je respire à travers ses cheveux blonds et sens la chaleur de son corps sur ma poitrine. Alors moi aussi je me sens bien et ne tarde pas à m'endormir. C'est Paul qui seul le réveille alors que le jour apparaît timidement autour de la porte et du volet de la fenêtre. Hé, les amoureux, c'est l'heure. Je m'éveille avec peine. Anne est toujours contre moi, dans la même position. En face, Paul et Sylvie s'amusent de voir notre pénible réveil. De fait, nous n'avons pas dormi plus de 3 heures, c'est peu. Tout à coup, je repense au feu qui flambe gaiement à côté de moi. Je me rappelle que j'étais censé l'alimenter de temps en temps. Désolé, Paul, mais le feu... Tant mieux si tu as bien dormi. Le feu ne s'est pas éteint, c'est le principal. Nos vêtements sont à peu près secs, mais ils sentent fortement la fumée. La cabane est vite rangée, le feu éteint. Anne écrit un petit mot de remerciement à notre hôte anonyme sur un bloc de papier trouvé dans le buffet. Il ne reste plus qu'à remettre la porte sur ses gonds et nous partons d'un bon pas inaugurer cette journée qui s'annonce belle et fertile en événements.